Toujours à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président du comité central de l'Association générale des Coréens résidents au Japon, Chung Yun, a adressé le 9 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé du message. Le président Kim Il-sung a permis aux compatriotes coréens résidents au Japon qui souffraient du martyre à l'étranger au temps de la domination coloniale japonaise de devenir citoyen d'outre-mer de l'État indépendant et souverain et fonder la Chungnyeon avec son originale orientation afin de développer parfaitement sur la voie du Jutsu, le mouvement des Coréens au Japon. Il a envoyé sans cesse d'immenses subventions d'enseignement et bourses d'études et accordé ses bienfaits aux cadres, compatriotes et enfants de la Chungnyeon lors de leur visite dans la patrie. Le général Kim Jong-il, qui a développé notre patrie, édifiée par le président en puissance politico-idéologique et pays possesseur du nucléaire, a traité les cadres de la Chungnyeon comme ses compagnons d'armes et les compatriotes coréens au Japon comme membres de sa famille. En disant qu'il veut tout donner à la Chungnyeon, il a accordé tous ses bienfaits, avancé les instructions de valeur de programme et conduit à la victoire le mouvement de la Chungnyeon pour opérer un nouveau tournant avec la confiance et l'affection. Aujourd'hui, les exploits mortels des grands leaders et leurs bienfaits accordés à la Chungnyeon et aux compatriotes coréens au Japon brillent davantage grâce au maréchal Kim Jong-un. Finalement, le message lui a souhaité santé pour la prospérité éternelle de la Corée du Sud et le progrès victorieux du mouvement des Coréens au Japon.